Je ne suis pas voleur de nuit, je ne couche pas dans ton lit. Cela ne deviendra pas chaud, on ne se touchera pas la peau. Je ne suis pas voleur de femmes, je ne déclare pas ma flamme. Finalement, je suis infâme, il ne faut pas en faire un drame. Et demandez donc à madame, la rouge noirceur de mon âme. Et demandez donc à madame, la rouge noirceur de mon âme. Je ne suis pas déménageur, j'aime avoir mes aises à toute heure et d'avoir mon petit confort, même si toi tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas un fanatique, du moins c'est pas automatique. Finalement je suis infâme, il ne faut pas en faire un drame. Et demandez donc à madame, la rouge noirceur de mon âme. Et demandez donc à madame, la rouge noirceur de mon âme. Je ne fais pas un seul effort, je ne travaille pas, je m'endors. Rien que de penser au labeur, j'ai des nausées, j'ai des vapeurs. Je ne supporte pas le boulot, sauf la roulette du casino. Finalement je suis infâme, il ne faut pas en faire un drame. Et demandez donc à madame, la rouge noirceur de mon âme. Et demandez donc à madame, la rouge noirceur de mon âme. Je ne suis pas un prédateur, je ne suis chasseur ni pêcheur. Je me sens plus comme le poisson, trouvant tous les appâts si bons. Je suis peut-être un peu naïf, mais ce n'est pas définitif. Finalement je suis infâme, il ne faut pas en faire un drame. Demandez donc à madame, la rouge noirceur de mon âme. Et demandez donc à madame, la rouge noirceur de mon âme.